Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la nouvelle Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est maintenant disponible en version hybride, qu'en ville, elle roule 50% du temps en mode électrique et qu'elle est proposée à partir de 160 euros par mois. Là, elle devient irrésistible. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 5 000 euros pour une 208 active hybride 109. Réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit part. Conditions sur Peugeot.fr. Suivant état de charge de batterie et style de conduite. Pensez à covoiturer. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Martin Gray, la tragédie fait homme. Mort en 2016, il ne se considérait pas comme un écrivain, mais comme un témoin. De fait, son histoire a ému des millions de lecteurs. Né en Pologne, dans une famille juive, il subit dans sa jeunesse la barbarie nazie. Il survit à l'enfer du ghetto de Varsovie, puis au camp d'extermination de Treblinka. Au sortir de la guerre, il a perdu toute sa famille. Il s'exile alors aux États-Unis, où il fait fortune. Mais en 1970, Martin Gray est frappé par un nouveau drame, le plus terrible. Alors qu'il s'est installé dans le sud de la France, un feu de forêt emporte sa femme et ses enfants. Une nouvelle fois, il est le seul survivant. Cette vie, il la raconte en 1971 dans un livre écrit avec l'aide de l'historien Max Gallo au nom de tous les miens. Leçon de résilience face à la cruauté du destin, ce livre est l'un des premiers témoignages sur la Shoah à toucher le grand public. Mais une violente polémique éclate sur l'authenticité du témoignage de Martin Gray, mise en doute par plusieurs historiens, comme si son histoire était trop tragique pour être tout à fait vraie. Notre invitée aujourd'hui, Judith Lioncan, historienne, directrice d'études à l'EHE2S. Ses recherches portent notamment sur l'histoire du témoignage de la Shoah. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Jean Brossier, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Denante. Réalisation, Hélène Bizio. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Octobre 1970. Cela fait 10 ans que Martin Gray s'est installé avec sa femme, Dina, dans le sud de la France, dans une petite commune du Var, Tanneron. Souhaitant quitter l'agitation de New York, ce couple d'Américains fortunés a un coup de cœur pour une vieille demeure à proximité de la mer, les Barons, entourés de mimosas et de pins. Martin Gray a fait de ce lieu sublime sa forteresse, comme il dit. Avec Dina, il voit grandir ses 4 enfants, Nicole, Suzanne, Charles et Richard, âgés de 10 à 2 ans. Enfin, ce rescapé de la Shoah tient entre ses mains la promesse d'un bonheur durable, enfin. Le matin du 3 octobre, le Mistral se lève. Oh, un simple jour de vent, comme souvent dans cette région, pense Martin Gray. Mais le temps est sec. Cela fait des semaines qu'il ne pleut pas. En fin d'après-midi, Martin sent une puissante odeur de bois brûlé. Des incendies ont éclaté partout autour du Tanneron. Sur la colline, au-dessus de la maison, un mur de feu menace, avançant rapidement, dévorant les pins. Alors il faut prendre une décision, vite. Dina décide de fuir avec les enfants dans la petite voiture familiale. Martin, lui, reste derrière. Le lendemain, au journal télévisé de 13h, on annonce le bilan humain de l'incendie. Parmi les victimes, Dina et les enfants, rattrapés par le feu alors qu'ils s'enfuyaient. Martin, lui, a survécu. Le bilan est lourd. 11 morts, dont une femme de 43 ans et ses 4 enfants, âgés de 10 à 2 ans, surpris dans leur voiture alors qu'ils essayaient d'échapper aux flammes. Les 3 zones les plus touchées ont été les pentes du Mont Faron, près du Revest, au-dessus de Toulon, les environs de la gare de Fresnay, nord de Saint-Tropez, et plus à l'est, le secteur de Tanneron, entre Grasse et Cannes. C'est dans cette dernière région, autour de Tanneron, que 8 des victimes ont trouvé la mort. La douleur de Martin Gray est insondable. Autour de lui, des amis se relaient jour et nuit pour ne pas le laisser seul. On craint qu'il ne se donne la mort. Dans sa maison, désormais vide, il contemple tout ce qui lui reste de sa famille, de simples objets morts, des cahiers, des jouets, des vêtements, des dessins. Et il imagine la douleur de ses proches dans leurs derniers instants, la panique, l'effroi. Je sais qu'ils ont atrocement souffert, quittant la voiture, s'enfuyant dans les flammes, lira-t-on dans « Au nom de tous les miens ». Mais surtout, il réfléchit à son destin. Pourquoi lui, une nouvelle fois ? La souffrance du deuil, il ne connaît que trop. Né à Varsovie en 1922 de son vrai nom Mitek Grajowski, il a perdu toute sa famille pendant la guerre, assassiné par les nazis dans les camps de la mort. Ce passé traumatique, Martin s'est efforcé pendant des années de l'oublier, s'inventant une nouvelle vie aux États-Unis, puis en France. Et voilà que tout ce qu'il a construit s'effondre de nouveau. Alors, pour ne pas sombrer, il se réfugie dans l'action. Quelques jours après la mort de sa famille, il annonce qu'il va consacrer sa fortune à lutter contre les incendies. Il crée une fondation au nom de sa femme, et avec l'appui des pouvoirs publics, il organise des campagnes d'information dans les écoles sur les feux de forêt. Son combat est relayé dans les médias. Et c'est ainsi qu'un jeune historien, Max Gallo, entend parler de lui en lisant un long portrait que lui consacre le journal François. Mais quand j'ai vu dans la presse que Martin Gray, au-dessus de Cannes, un Américain avait perdu sa femme et ses quatre enfants, je connais un peu les incendies de forêt dans cette région, j'ai donc imaginé l'ampleur des flammes, mais j'ai vu aussi une série de mots qui étaient ghetto de Varsovie, Treblinka, capitaine dans l'armée rouge, fortune aux États-Unis. Et puis ce drame. Et si vous voulez, parce que j'ai un peu étudié l'histoire, ces mots, peut-être plus qu'à d'autres, ont pour moi été immédiatement une succession d'images concrètes. J'ai vu ce que cela représentait, avoir été à Treblinka, avoir été un survivant du ghetto, avoir participé à la fois à l'insurrection du ghetto et à la bataille de Berlin, et aussi avoir été un immigrant pauvre dans les États-Unis et avoir fait fortune en 10 ans. Au début des années 70, Max Gallo n'est pas encore l'auteur à succès qu'il deviendra. Docteur en histoire, il s'est fait remarquer par des essais sur Mussolini, l'Espagne franquiste ou encore la Commune. À ses heures perdues, cet ambitieux trentenaire se fait aussi nègre littéraire, comme on disait à l'époque. En 69, il aide l'ancien bagnard Henri Charrière à écrire ses mémoires. Cela donnera Papillon, un véritable carton d'édition, avec 13 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Il se trouve que Max Gallo a une belle plume, le goût des récits d'aventure et des vies romanesques. Et il voit immédiatement dans le destin tragique de Martin Gray un formidable sujet. Directeur d'une collection chez l'éditeur Robert Laffont, intitulée « Vécu », il sait aussi la valeur commerciale d'un témoignage comme celui de Martin Gray, qui fleure bon le best-seller, il en est certain. Alors, il le contacte en décembre 70, profitant de son passage à Paris pour sa fondation. En quelques heures, il le convainc de lui confier la rédaction de ses mémoires. Il a pourtant de la concurrence. Gray a été approché par plusieurs écrivains qui souhaitent être sa plume, dont le célèbre journaliste Joseph Kessel. Mais il choisit Max Gallo. Oui, touché par l'intérêt qu'il porte à son histoire et par l'émotion dont il fait preuve face aux photos de ses enfants disparus. Pendant plusieurs mois, les deux hommes se voient quasiment tous les jours. Martin Gray raconte en détail sa vie à l'historien et lui confie des centaines de pages de notes. À mesure qu'il travaille, Max Gallo réalise qu'il est face à un matériau exceptionnel, face à une vie au croisement de l'histoire et d'un destin extrême, comme il l'écrit dans sa préface de « Au nom de tous les miens ». Pour raconter la vie de Martin Gray, l'historien choisit d'écrire à la première personne, parler à la place de Martin, de se glisser dans sa peau. Ce récit, il le fait débuter en 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne. Je suis né avec la guerre. Les sirènes ont hurlé, les bombardiers passaient au ras des toits, leurs ombres glissaient sur la chaussée, dans les rues, les gens couraient, prenant leur tête entre les mains. Je suis né avec la guerre. Nous dévalons l'escalier vers la cave, les murs tremblent, et le plâtre par plaques blanches tombe sur nos cheveux. Ma mère est toute blanche. Mes yeux brûlent, des femmes crient, puis s'établit le silence, précédant les klaxons des pompiers, et à nouveau, les cris des femmes. C'est septembre 1939, le mois de ma naissance véritable. Des 14 années qui précèdent ces jours, je ne sais presque plus rien. Je ne peux même pas fouiller en moi, je ne veux pas. À quoi bon rappeler ce temps de la douceur ? En En 1939, Martin Gray et sa famille font partie des 380 000 habitants juifs de Varsovie, un tiers de la population de la capitale polonaise. Après l'occupation de la ville, tous ces gens sont immédiatement l'objet de persécutions nazies. À la radio, les Allemands diffusent leur propagande. « Polonais, les Juifs sont responsables de vos malheurs. Les Juifs ont voulu la guerre, les Juifs vont payer. » À Max Gallo, Martin Gray explique ce que cela signifie pour un adolescent juif de vivre dans Varsovie sous la botte allemande. Du jour au lendemain, il passe du vivre au survivre. Il apprend à voler pour nourrir sa famille, car les Juifs sont exclus des distributions de pain organisées par la Wehrmacht. Il apprend à mentir, à se faire passer pour un Polonais, à ne pas répondre surtout quand un SS l'interpelle en allemand, car en Pologne, seuls les Juifs comprennent l'allemand, proche du Yiddish. Le 2 octobre 1940, les nazis ordonnent la création du ghetto de Varsovie, un territoire minuscule où toute la population juive est transférée de force. Martin s'y installe avec sa mère, ses deux frères et son père. Quand un mur d'enceinte de plusieurs mètres est érigé autour, il se fait une promesse. Ils ne m'enfermeront pas. Alors, éperdument, il cherche une faille dans cette prison à ciel ouvert. La faille, c'est un tramway qui traverse le ghetto et le connecte au reste de la ville. Il parvient à s'y glisser, profitant de l'inattention des gardes. Arrivé dans la ville, il achète du pain qu'il revend ensuite aux habitants cloîtrés. Bref, pour nourrir les siens, Martin se fait contrebandier. Écoutons-le en parler au micro de France Culture en 1997. Je suis sorti du ghetto, pas une fois par jour, mais 10 fois par jour. C'était un exploit, ça, de sortir du ghetto. Et c'est un exploit, et je vous dis que je suis le plus fier de ce moment de ma vie, parce que j'ai apporté au moins 10 tonnes de nourriture par jour. C'était par le moyen. Du blé, principalement. Et du blé, des sucres, de tout, bien sûr, de la farine. Et c'était pour moi la meilleure journée de ma vie. Je n'ai jamais connu cette sensation d'être heureux, parce que quand vous sauvez la vie, mon père me disait toujours, quand on tue un homme, on tue toute la humanité. Et moi, je disais que quand on sauve un homme, on sauve la humanité. À l'extérieur du ghetto, Martin s'associe avec un groupe de truands polonais qui l'aident à se fournir en nourriture. Il mène une vie dangereuse, risquant sa vie plusieurs fois par jour pour acheminer sa marchandise. Une dénonciation, un faux pas, et c'est la mort. Mais a-t-il le choix ? Dans le ghetto, la mort règne déjà au sein d'une population privée de tout, assaillie par la faim, le froid, le typhus. En juillet 42, les Allemands annoncent le repeuplement vers l'Est. Entendez la déportation des Juifs du ghetto. La SS force la population à se rendre à l'Umschlagsplatz, la zone de triage. Là, les Juifs sont parqués dans des wagons de marchandises, soi-disant pour être envoyés travailler à l'Est. En réalité, les trains partent pour Treblinka, un camp d'extermination situé à 80 km au nord de Varsovie. La solution finale est en marche. Martin parvient un temps à s'échapper de la déportation. Mais quand sa mère et ses jeunes frères sont arrêtés, il décide de se livrer pour les accompagner. À son arrivée à Treblinka, il est isolé par un SS, échappant à l'extermination immédiate, contrairement à sa mère et à ses frères. Et il devient membre des Sonderkommando, un groupe de détenus juifs chargés d'extraire les corps des chambres à gaz pour les enterrer dans des fosses communes. Parmi eux, ceux des membres de sa famille, indicible horreur. Lors de sa première nuit à Treblinka, Martin se jure de rester en vie, pour témoigner. Cette nuit-là, certains choisirent de mourir. Je me suis tassé sur moi-même pour éviter de laisser ma vie s'enfuir d'elle-même, de courir vers cette paix lâche de la mort. Puisqu'ils prenaient notre vie, c'est qu'elle était un trésor. Puisque les miens étaient morts, j'étais dépositaire de leur vie. Ils m'avaient légué leur passé, ce qu'ils auraient pu devenir et ce qu'ils avaient vécu de joie et de peine. Par moi seul vivait la rue Senatorska, par moi seul vivait la cachette du ghetto, par moi seul vivait le regard de Zofia ou de Rivka, par moi seul vivrait la vengeance. J'ai décidé de vivre, j'ai décidé de m'enfuir au nom de tous les miens. Les pages que Max Gallo consacre à Treblinka dans Au nom de tous les miens sont insoutenables. Les corps entassés dans les fosses, l'angoisse poisseuse de la mort, la cruauté des SS, Max Gallo décrit tout. Et il raconte comment Martin s'évade finalement de cet enfer en se cachant dans un wagon qui emporte loin du camp les vêtements des déportés exterminés. Réfugié dans la campagne polonaise, Martin avertit les quelques communautés juives ayant échappé à la déportation de la menace de mort qui plane sur elles. Mais on ne le croit pas. Non, on refuse d'envisager l'existence même de Treblinka. Au bout du compte, Martin est dénoncé et à nouveau, il est enfermé dans un camp, à Zambrowsk. Et à nouveau, il s'échappe. Il rejoint alors Varsovie, où il participe à l'insurrection du ghetto au printemps 43. Là, il voit mourir son père, tué par les SS qui répriment la résistance héroïque des derniers travailleurs juifs dans un bain de sang. Martin réussit à fuir par les égouts, ne pensant qu'à venger les siens de l'occupant nazi aux abois. Oui, aux abois, car le vent a tourné. L'armée rouge est entrée en Pologne, enfonçant les lignes allemandes. Martin rejoint alors le NKVD, la police politique soviétique chargée de nettoyer l'arrière du front. Aux côtés des Russes, il marche jusqu'à Berlin en ruine. La guerre est terminée, mais dans le camp des vainqueurs, le rescapé est amer. Lui qui rêvait de vengeance, il voit d'anciens nazis échapper à la justice, préservés par les Russes qui ont besoin d'informateurs. Il n'a plus d'attache, plus de foyer où retourner. Sa ville natale, Varsovie, n'existe plus, détruite à 90%. Il décide alors de s'exiler aux États-Unis, à New York, où réside sa grand-mère, seule survivante de la famille engloutie. Il y fait carrière dans le commerce d'antiquités, plus précisément de fausses antiquités. Habile, il identifie des usines capables de reproduire à l'identique des objets anciens, lustres ou porcelaines, alors en vogue aux États-Unis. Une astuce qui fait sa fortune. Accaparé par sa carrière, il tente alors d'oublier son passé. Celui qui est resté vivant pour témoigner des souffrances des siens fait la douloureuse expérience du silence et de l'indifférence. Dans l'après-guerre, peu de gens, en effet, sont prêts à entendre le témoignage des rescapés de la Shoah. Une situation que Simone Veil analyse en 1988. Mais si nous n'avons pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas voulu nous entendre, on n'a pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent, à nous tous. Quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a immédiatement l'interruption. Il y a la phrase qui vient couper, qui vient parler d'autre chose, parce que nous gênons. Profondément nous gênons. Pour des raisons probablement très profondes, qui ne sont pas simplement le fait qu'on veut nous faire taire par indifférence, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Heureusement, au fil des années, le mur de silence qui entoure le témoignage des rescapés juifs s'effrite. Le procès du responsable nazi Adolf Eichmann en 1960 marque de ce point de vue un vrai tournant. La mémoire juive se réveille, la spécificité de la Shoah est mieux comprise. Et le succès que rencontre Au nom de tous les miens à sa sortie en 1971 est un signe éclatant de ce changement d'époque. Le livre est salué par une critique unanime et rencontre un immense succès public. 250 000 exemplaires se vendent en France dans les mois qui suivent la parution et des traductions sont disponibles en plus de 20 langues. Aujourd'hui, les chiffres de vente donnent le vertige. Plus de 30 millions d'exemplaires se sont écoulés depuis 1971, ce qui en fait l'un des témoignages sur la Shoah les plus lus. Cela dit, le succès de l'ouvrage n'est pas dû seulement à la curiosité nouvelle du grand public pour cette période sombre de l'histoire. C'est surtout la résilience de Martin Gray face au deuil de sa famille qui marque les lecteurs. Beaucoup sont admiratifs, comme on l'entend dans des interviews de l'époque. Ce qui m'a le plus frappé dans votre ouvrage, Monsieur Gray, c'est qu'il m'a paru très profondément humain. Par deux fois, votre famille... Les vôtres, ceux que vous aimez, vous ont été arrachés. Et pourtant, ce qui se dégage de cet ouvrage, c'est une impression de vie, une impression d'espoir. Quand on lit ce livre, de multiples questions se pressent à notre esprit. On se demande comment un homme qui a vécu Treblinka, le ghetto de Varsovie, a pu justement résister déjà à cette période et puis avoir encore à subir tout immédiatement dans les temps présents un événement encore plus tragique, la perte de sa famille. Ces questions, tout le monde se les pose et personne ne peut rester insensible. Des succès publics et critiques donnant de tous les miens intéressent évidemment le cinéma. Alors ni une ni deux, une adaptation est lancée. Le film sort en 1983, réalisé par Robert Enrico. Mais un grain de sable se glisse alors dans l'incroyable succès du témoignage de Martin Gray. Dans le journal Le Monde, en effet, une polémique couvée éclate. Martin Gray aurait-il menti ? Son témoignage, présenté comme authentique, serait-il en partie romancé ? Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. To the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Martin Gray, le témoin. France Inter. Affaires Sensibles. Le 27 novembre 1983, le journal Le Monde publie un long article sur Au nom de tous les miens, intitulé « Romans et brouillards ». Déjà le titre, qui appose de façon provocatrice le très sérieux « Nuits et brouillards » et le brouillard d'un récit, celui de Martin Gray, est une mise en cause assez claire de la véracité du témoignage de Martin Gray, venant de surcroît d'un historien respecté, Pierre Vidal-Naquet. Oui, dans un courrier adressé au quotidien du soir, il se demande pourquoi, il y a quelques années, M. Max Gallo a réécrit un pseudo-témoignage de M. Martin Gray qui, exploitant un drame familial, a inventé de toutes pièces un séjour dans un camp d'extermination où il n'a jamais mis les pieds. Je cite Vidal-Naquet. L'accusation est violente. Mais comme l'explique le journal Le Monde, elle n'est pas nouvelle. En fait, les doutes sur le témoignage de Martin Gray émergent dès 1973 à l'occasion de la traduction anglaise d'Au nom de tous les miens. L'influent journal britannique The Sunday Times publie alors une longue enquête pointant des incohérences dans le récit du séjour de Martin Gray à Treblinka. L'enquête est signée par l'historienne britannique Gita Sereny, spécialiste de ce camp d'extermination. Eh bien, elle affirme avoir trouvé dans le livre 20 erreurs qui semblent incompréhensibles pour quelqu'un qui est allé à Treblinka. Et surtout, des survivants interrogés par l'historienne contestent eux aussi la description faite du camp dans le livre. Très renseigné, l'article ne trouve aucun écho en France et la polémique reste circonscrite au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas fini. En 1974, à la radio-télévision suisse, un autre spécialiste émet des doutes. Il s'agit de Jean-François Stenner, auteur de Treblinka, roman sur le camp d'extermination et lui aussi célèbre et controversé. C'est difficile de dire que c'est pas vrai. Disons que la manière dont il le raconte n'est pas très convaincante. Son évasion du camp numéro 2 n'est pas très crédible. Ça s'est pas passé comme ça. Enfin, si effectivement il est allé dans le camp numéro 2 et si effectivement il s'en était évadé, ça s'est pas passé comme ça. Dans son interview à l'RTS, Jean-François Stenner cible spécifiquement Max Gallo. Il affirme que l'historien ne s'est pas contenté de recueillir le témoignage de Martin Gray. Non. Selon lui, il a mêlé d'autres sources tirées de ses lectures. Jean-François Stenner reconnaît ainsi, dans Au nom de tous les miens, des détails de son propre roman, Treblinka. Des détails que Stenner a inventés toutes pièces et que Martin Gray ne peut donc pas avoir vécu lui-même. Pour Stenner, ces mélanges posent d'autant plus problème que Max Gallo a fait le choix d'écrire le livre à la première personne. L'historien place ainsi dans la bouche de Martin Gray des informations qu'il tient de ses lectures, parfois erronées, brouillant les pistes entre témoignage et fiction. En 79, Max Gallo est à nouveau mis en cause par Gita Sereny, l'historienne à l'origine de la polémique. Elle rapporte dans un article une confidence que l'historien lui aurait faite. Max Gallo m'a déclaré, dit-elle, qu'il avait besoin d'un long chapitre sur Treblinka parce que le livre nécessitait quelque chose de percutant pour attirer les lecteurs. Selon elle, il aurait également dit qu'il faut bien à l'occasion savoir corser les choses. Une fois encore, ces déclarations de Gita Sereny passent inaperçues en France. Sauf qu'elles ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. En l'occurrence, un professeur de littérature qui commence à faire parler de lui, un certain Robert Forisson. En 1980, Antenne 2 consacre un reportage à ce personnage à l'occasion de l'un de ses nombreux procès. 51 ans, marié et père de famille, suspendu d'enseignement pour cause de scandale, le professeur Robert Forisson est un petit homme sec et têtu. Depuis des années, il joue à l'historien qui a raison face au monde entier qui a tort. Et plus on le condamne, plus il s'entête à répéter que les chambres à gaz n'ont pas existé dans les camps nazis. Je pense même qu'il est coincé dans ce système, car s'il admettait aujourd'hui qu'il a eu tort, il remettrait en cause, il gommerait des années de recherche et de travail qui sont la justification de son existence. Bref, le professeur Forisson est devenu célèbre en disant, comme par exemple le 17 décembre 1980, au micro d'Yvan Levaille sur Europe numéro 1, que le génocide des Juifs est un mensonge. Ce sont les débuts du négationnisme, dont l'acte de naissance est plus précisément l'interview donnée à l'Express en octobre 78 par Louis d'Arquet de Pellepoix, commissaire général aux questions juives sous Vichy, et qui affirme qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. L'argument est repris jusqu'à l'obsession par Robert Forisson. Le petit professeur cherche à tout prix des éléments à opposer aux nombreuses preuves de l'existence des chambres à gaz. Alors évidemment, les doutes sur le récit de Martin Gray, pour lui, c'est pain béni. En mai 83, il fait paraître un article où il exploite sans ménagement les arguments de l'historienne Gita Sereny au service de sa cause révisionniste. Limité à un petit cercle de fanatiques, ses élucubrations sont cependant observées de près par l'historien Pierre Vidal-Naquet, qui lutte avec acharnement contre les mensonges des négationnistes et qui découvre, dans l'article de Robert Forisson, la polémique qui couve depuis des années au sujet d'Au nom de tous les miens. Et il est ulcéré. Les arguments de Gita Sereny lui paraissent sérieux. Il estime que Max Gallo a donné du grain à moudre aux négationnistes, par inconscience, en s'affranchissant de la rigueur historique. Comme il écrit au Monde, Max Gallo aurait-il voulu rendre service à l'abjecte petite bande de ceux qui nient le grand massacre et qui se sont naturellement rués sur cette trop belle occasion qu'il n'aurait pas agi autrement. En novembre 83, donc, le grand article du Monde sur le nom de tous les miens paraît. Tout est alors réuni pour rendre la polémique brûlante. Max Gallo est devenu porte-parole du gouvernement, ce qui donne à l'affaire une dimension politique. Et surtout, l'article paraît au moment même de la sortie du film adapté d'Au nom de tous les miens. Et toute la promotion en est perturbée. C'est le genre de film qui sent le soufre avant même sa sortie. Dans Le masque et la plume, un intervenant l'attaque violemment. Tout le monde sait que Martin Gray est un mythomane et un faussaire, et que ce qu'il raconte et ce qu'il prétend avoir vécu, il l'a très largement inventé, et on ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux. En particulier, Martin Gray n'a jamais mis les pieds à Treblinka, et la scène qu'il a racontée de Treblinka dans son livre et qui a fait pleurer des millions de personnes, il l'a totalement inventée. Mythomane, l'accusation est brutale. Rappelons que la polémique ne porte que sur un seul chapitre d'Au nom de tous les miens, 30 pages à peine. Le reste des épreuves qu'a traversé Martin Gray n'est pas mis en doute. Le fait qu'il ait perdu toute sa famille pendant la Shoah, non plus. Mais les imprécisions du livre écrit par Max Gallo sèment forcément le doute sur l'ensemble du témoignage. Autrement dit, s'il a menti sur Treblinka, Martin Gray n'a-t-il pas aussi menti sur le reste ? L'intéressé meurtri. Le 1er décembre, il réagit aux accusations dans une interview diffusée dans le journal de 20h de TF1. Je vais inviter ici à Paris ceux qui ont vécu avec moi à Treblinka, dans les ghettos de Varsovie, ceux qui ont vécu avec moi dans les maquis russes polonais, dans l'armée soviétique, pour faire ce procès, parce que je trouve que c'est un jour on diront, parce que moi je serai dans quelques années mort, les autres sont morts, et on dira un jour, viendront ceux qui diront, voilà, Martin Gray est un menteur, Anne Frank n'a jamais existé. Auschwitz est une invention. Je suis le seul survivant des 110 membres de ma famille. J'étais dans les ghettos, j'étais à Treblinka. Et que les nazis n'arriveront pas à me taire. Pour solder la controverse, Pierre Vidal-Naquet accepte de rencontrer Martin Gray. Le rescapé lui apporte des preuves de sa présence à Treblinka et au ghetto de Varsovie. Pierre Vidal-Naquet revient alors sur son accusation. Quand on se trompe, il est d'une élémentaire loyauté de le reconnaître, écrit-il au Monde. Il estime être désormais convaincu de la réalité du séjour de Martin Gray à Treblinka et il présente ses excuses aux rescapés comme aux lecteurs du Monde. Après un intense battage médiatique, voilà donc Martin Gray blanchi de la douloureuse accusation de mythomanie. Pour autant, Pierre Vidal-Naquet maintient ses attaques contre Max Gallo. Il écrit... En utilisant des ouvrages sur Treblinka qui n'étaient pas les meilleurs, Max Gallo a fait décrire à Martin Gray des lieux et des temps qu'il n'a pas vécu. Il porte la responsabilité des soupçons qui ne pouvaient pas ne pas naître à la lecture de ce livre. Un historien, fût-il aussi romancier, ne devrait pas mêler les genres. Vidal-Naquet fait allusion au fait que Max Gallo s'est également fait romancier publiant un premier roman en 1972, un an seulement après Au nom de tous les miens. Dans une interview qu'il donne à l'époque, il explique que c'est sa rencontre avec Martin Gray qui lui a permis de débloquer sa fibre romanesque. Seulement, l'histoire, je crois qu'on est un peu enfermé dans la rigueur et dans l'objectivité apparente. Alors moi, j'avais besoin d'écrire un roman et ça s'est un petit peu déclenché de la façon suivante. L'année dernière, j'ai rencontré un personnage de la région qui s'appelle Martin Gray, qui m'a raconté sa vie, que j'ai écrit le récit de sa vie, et à partir de là, j'ai vraiment eu une sorte de déblocage, et j'ai eu besoin d'écrire ce livre, parce que Martin Gray, c'était un personnage que j'avais mis en scène dans un récit, mais en même temps, c'était un personnage qui existait vraiment, c'était encore un peu de l'histoire individuelle, mais moi, j'étais dans l'aspect création imaginaire qu'il y a dans un roman, disons que j'étais bloqué, donc un roman, voilà. Roman ou histoire, voilà toute l'affaire Martin Gray, qui restera longtemps blessé par la mise en cause de son témoignage. En 2014, il confie à une journaliste « Toutes ces allégations m'ont fait très mal ». Et il ajoute « après des années. Je veux dire toutefois que quelque chose était vrai dans les accusations. Mon livre n'est pas un journal tenu au jour le jour. Mes souvenirs sont inscrits dans ma chair, pas dans le papier des archives. C'est vrai que j'ai pu confondre des lieux et des dates, mais je ne voulais pas faire preuve et œuvre d'historien. Je voulais seulement témoigner, faire connaître. Témoigner. Martin Gray le fera jusqu'à la fin de sa vie, écrivant d'autres livres, intervenant dans les classes, répondant aux milliers de lettres venues du monde entier de la part de lecteurs touchés par son histoire. Il s'éteint en 2016, à 2 jours de son 94e anniversaire, laissant derrière lui 5 enfants d'un second mariage. Alors retenons cette phrase de Martin Gray, définition même de la résilience. On peut toujours se reconstruire, même sur des ruines. Il le savait mieux que personne. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Martin Gray. Notre invitée, Judith Lyon-Camp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice d'études à l'EHE2S. Vos recherches portent notamment sur l'histoire du témoignage de la Shoah. Et vous avez édité l'année dernière, chez Gallimard, les écrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie de Michel Borchwitz, un survivant de la Shoah en Pologne. Cette histoire de Martin Gray, vous l'avez découverte comment, vous ? Par le livre ou par le film ? Par le film, je crois que j'ai dû voir l'adaptation pour la télévision qui a été faite du film dans les années 80. J'étais adolescente. Et je crois que comme pour beaucoup de gens de ma génération, c'est un film qui nous a beaucoup frappés. Et puis c'était des images, c'était mélodramatique, c'était héroïque. Ça donnait l'impression, je crois, d'entrer de voir une chambre à gaz, si je me souviens bien. Donc c'est un film, je crois, qui a eu énormément d'impact, de même que le texte de Martin Gray, qui a été beaucoup lu. Mmh. Et c'est vrai que les films représentant la Shoah, l'univers des camps, étaient encore rares à l'époque. C'était l'une des premières fois que le public français voyait cela à l'écran. Comment expliquer ce fait que le cinéma n'a montré les camps que plus tard? Est-ce qu'il y avait de la pudeur? Est-ce qu'on était encore dans ce drame du silence qui a duré si longtemps et que Simone Veil dénonçait tout à l'heure? En réalité, le cinéma s'est emparé de la question, d'abord parce que le cinéma d'actualité, les bandes d'actualité de la sortie des camps ont été énormément montrées. En réalité, il y a eu des représentations de la Shoah au cinéma tout de suite, enfin... toutes sortes, et puis il y a eu évidemment les premières discussions sur le côté obscène de la représentation des camps, autour du travelling de capot, portier de nuit, donc il y a eu toutes sortes, enfin la question de la représentation de la Shoah au cinéma, en réalité, elle traverse, mais c'est vrai que c'était un téléfilm. C'était un film pour la télévision, c'était un film probablement en prime time, donc qui était un film familial. Mmh. Je pense qu'il y avait cet aspect-là qui a fait que ça a touché beaucoup de monde. Alors, vous avez lu le livre après avoir vu le film ? Alors oui, moi je fais partie des gens qui ont lu le livre après avoir vu le film. En fait, je l'ai relu pour l'occasion, pour pouvoir en discuter avec vous, voilà, de très près. Bon, donc quelle a été votre impression après avoir lu le livre et après, on viendra sur la polémique après, hein, et après avoir vu le film? Alors, ma lecture est celle d'une historienne qui, entre le moment où j'ai vu le film dans les années 80 et maintenant, a beaucoup lu, a lu beaucoup de témoignages, a lu beaucoup de livres d'histoire. Ce qui frappe évidemment, c'est l'efficacité de l'écriture de Max Gallo, c'est un roman historique écrit à la première personne, on peut le décrire comme ça. Et donc tout le passage, notamment dans le ghetto de Varsovie, lu de mon point de vue, est complètement toc. Mais pas en ce sens qu'il est faux, mais en ce sens que, comme dans tout bon roman historique, Max Gallo mêle très habilement la petite histoire et la grande histoire. Mmh. Donc le personnage qui est Mietek, Mendel, Martin Gray, il est toujours là où il faut être, au moment où il faut être, pour pouvoir raconter. Et donc il y a un côté un peu troublant qui fait faux, mais qui n'est pas faux, qui fait toc, qui est le best-of du ghetto de Varsovie. Donc la rue Légenot, le café Stuka, le tramway, les maîtres chanteurs, le côté arien, les égouts, c'est-à-dire les ateliers, les shops. Donc tout ce qu'on va trouver dans les autres récits du ghetto de Varsovie que probablement Max Gallo a compilé, c'est là. D'où une espèce d'impression d'inauthenticité qui ne tient pas au fait que c'est un mensonge, mais plutôt au fait que c'est une compilation où il y a presque trop de détails qui rappellent ce qu'on connaît par ailleurs pour que c'est la moindre, pour qu'on ait la moindre impression de sincérité. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à la notion de faux témoignage ? Alors, la question du faux témoignage par rapport à Martin Gray, elle doit se situer au niveau de tout le livre. Ce qui a troublé notamment Gita Sereny et après Steiner, bon, qui jouait sa propre carte dans cette histoire, c'est notamment que lorsque Martin Gray est déporté avec sa famille à Treblinka en septembre 1942, il décrit la fausse gare de Treblinka à son arrivée. Or, on sait que la fausse gare de Treblinka n'a été construite que plus tard, en décembre. Donc, il ne peut pas avoir vu cette fausse gare. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un élément qui fait penser que soit Max Gallo a rajouté ce détail et qu'en fait Martin Gray était bien à Treblinka, soit qu'en fait il n'y était pas. Voilà. Donc il y a une espèce de doute qui plane sur l'ensemble de cette histoire. Maintenant, que Gray était dans le ghetto de Varsovie, que sa famille ait été tuée à Treblinka, qu'ensuite il est circulé dans la campagne polonaise, probablement avec des partisans, sous une fausse identité à certains moments, puis qu'il ait rejoint Berlin avec un uniforme du NKVD. D'ailleurs, il y a une photo de lui qui a été prise à ce moment-là. Tout ça est probablement vrai. Mais évidemment, le soupçon de faux crée un soupçon de faux témoignage. Et dans le contexte des années 80, où, comme le rappelle très bien le récit qui vient d'être fait, l'angoisse, c'est celle du négationnisme, ce roman, ou ce témoignage romancé, si on peut dire, devient absolument insupportable. Insupportable, vous irez jusque-là. Insupportable pour ceux qui sont, comme Vidal-Naquet, préoccupés de la véracité de la vérité. Enfin, pas de la véracité, mais de la vérité de ce qui s'est passé. Donc, évidemment, le problème du faussaire, Faurisson, quand il est en procès au début des années 80, il est accusé d'être un faussaire de l'histoire. C'est même les mots qu'utilise Robert Badinter lors d'un des procès de Faurisson. Et tout l'argumentaire négationniste consiste systématiquement à retourner les accusations contre l'adversaire. Donc, évidemment, Faurisson, avec Martin Gray, qui en plus a fait commerce d'antiquité après la guerre, qui a priori n'a rien à voir. Il peut avoir fait commerce de toutes les fausses tasses en porcelaine de la terre, ça n'a pas d'effet logique sur le fait qu'il a ou non vécu le ghetto de Varsovie. Mais c'est trop beau. Donc, Faurisson dit, ben non, c'est pas moi le faussaire de l'histoire. Là, vous avez un vrai faussaire. Et en plus, il a vendu des fausses tasses en porcelaine. Ouais, c'était ça le danger, en fait. Voilà, c'était ça le danger. Donc, dans le contexte du début des années 80, ce témoignage romancé, qui ne dit pas vraiment ce qu'il est, en réalité, inquiète énormément. Ouais. Voilà. Donc, je résume ce qui est dit sur Treblinka, évidemment, l'existence de Treblinka, le ghetto, tout ça est vrai. Le seul problème, c'est que Martin Gray n'a pas forcément vécu toute cette vérité-là au moment où il la raconte. C'est ça, en fait. D'accord. On ne sait pas s'il a été à Treblinka, on ne sait pas ce qu'il a fait à Treblinka, ce qu'il raconte qu'il a fait à Treblinka, et notamment sa manière de passer du camp du bas au camp du haut et vice-versa, est très improbable. La manière dont il s'est évadé en partant dans un wagon de marchandises n'est pas complètement improbable, puisqu'il y a d'autres personnages qui se sont évadés de Treblinka de cette manière-là, notamment Erich Finkelstein. Mais le tout étant invérifiable et l'accumulation de détails probablement faux au milieu de détails qui peuvent être vrais crée une sorte comme ça d'incertitude. Voilà. Est-ce que ça ne nous met pas un peu mal à l'aise quand même de parler de ça, de débattre de ça au regard de toutes les souffrances que cet homme a connues ? Souffrances humaines, indicibles, terribles. Oui, mais je crois que ce qu'on doit aussi à tous ceux qui sont morts et aux survivants, c'est une vérité absolument intransigeante sur les faits. Hein. Donc le fait de respecter la souffrance, c'est aussi d'être absolument intransigeant sur les faits. Parce qu'en effet, si on transige sur les faits, alors il peut rentrer ce grain de sable du doute sur « mais si tout ça finalement n'était qu'une invention, et si tout ça finalement ne faisait que nourrir une machine qui fait de l'argent ?» Parce que ce qui marche aussi pour Faurisson et pour les négationnistes, ce qui est un argument en leur faveur, c'est que le livre est un grand succès. Ouais, donc sûr. Tout peut se retourner. Donc il faut être extrêmement vigilant. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Juliette Guillon-Camp, vous êtes historienne, je le rappelle. Alors quand même, Vidal-Naquet a fini par s'excuser, il a dit, enfin, au moins sur un point, il a dit « Oui, Martin Gray était bien à Treblinka, il y a des preuves incontestables, irréfutables. » Que pensez-vous de... C'est pas une volte-face, hein, c'est simplement une correction de ce qu'il avait dit au départ. Mais il a rencontré Martin Gray, donc on ne sait pas ce qui s'est échangé dans leur rencontre. On aimerait bien le savoir, d'ailleurs. Ça serait intéressant de le savoir. Et il a eu, en effet, un retour sur ce qu'il avait déclaré, tout en tenant la ligne de la dénonciation du fait que Max Gallo avait romancé une histoire. C'est-à-dire qu'il a précisément fait la séparation entre l'histoire vécue par Martin Gray et le récit raconté par Max Gallo. Et donc il ne dit pas que le texte qu'on a entre les mains au nom de tous les miens est un témoignage. Il dit que Martin Gray a bien vécu ce qu'il a vécu. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de dire que le texte est vrai. Exactement. Alors donc, la responsabilité, elle en incombe essentiellement, si j'ai bien compris, à Max Gallo. Elle en a combré à Max Gallo, oui, qui a effectivement fait un roman historique à la première personne. Ouais. Ce qui n'est pas exactement la même chose qu'un témoignage. Alors, il y a d'autres cas de faux témoignages, entre guillemets, hein, ou de témoignages non fiables ou sujets à caution. Dans les années 2000, par exemple, l'autrice belge Micha de Fonseca a prétendu dans un livre intitulé « Survivre avec les loups » avoir échappé à la Shoah avant que la supercherie ne soit dénoncée. Alors, il y a d'autres cas, hein, comme celui de Benjamin Bilkomirski, qui a aussi prétendu être un rescapé de la Shoah. Bon, des cas un peu différents de Martin Gray pour les raisons énoncées. Lui, il n'était pas mythomane. Martin Gray n'était pas mythomane. On peut... Non, Martin Gray n'était pas mythomane. Wilkomirski, qui est un cas, d'ailleurs, le livre a été retiré de la vente, hein, Wilkomirski. Mm-hmm. Parce que, donc, c'était un Bruno Dossecker, qui était... c'était un Suisse, qui avait été adopté par une famille suisse quand il était petit, et qui a raconté avoir été un enfant né à Riga, déporté à Auschwitz à 4 ans, et ensuite adopté par une famille suisse. Et là, ce qui était frappant dans l'affaire Wilkomirski, c'est que, pour le coup, le texte avait un parfum de vérité, y compris dans sa matière textuelle, très grand. Mmh. Et c'est ça qui a beaucoup, qui a énormément choqué, en fait. Voilà. Alors tout cela, pour résumer, pose la question de l'interdit sur la possibilité de romancer la Shoah, de la fictionnaliser. On pourrait aussi citer la polémique entourant le feuilleton télévisé Holocaust, critiqué pour ses invraisemblances, sa mise en fiction des camps. Donc on est là, à votre avis, sur un terrain qu'on ne peut pas fictionnaliser ou alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions à cause du révisionnisme ambiant. En réalité, la question s'est posée tout de suite après la guerre, tout le temps, constamment. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une histoire des années 80, dans la mesure où il y a beaucoup de survivants, d'écrivains survivants, qui dans les années 50 ont fait le choix du roman pour raconter ce qui leur était arrivé. Persuadés que ce qui était dans leur idée le simple témoignage ne toucherait pas le public. D'accord. Et qu'il fallait donc trouver des moyens stylistiques de rendre compte d'une expérience. Voilà. Donc en fait, cette question de représenter la Shoah par le roman, elle est très ancienne et elle est peut-être plus compliquée que celle de fiction contre témoignage. Bien, ce sera le mot de la fin, Judith Guillon-Camp. Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Martin Gray, le témoin. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau. Affaires Sensibles est un podcast France Inter. France Inter présente le livre Olympics, l'étonnante histoire des Jeux. 150 aventures sportives pour découvrir les Jeux Olympiques. Olympics, d'Auric Colodny, un livre France Inter. Pour tous les amoureux du sport.